Non, alors là, le dos par là. Non, je voudrais pouvoir profiter aussi de ce micro, moi. C'est bon, là ? Alors après ? Qu'est-ce que c'est, ça, Offenbach ? Offenbach, c'est à côté de Francfort. Mais c'est pas un musicien ? Pourquoi ils mettent Offenbach ? Ist das eine Werkhalle ? Ça, c'est auf. Was ist das? Das ist Offenbach. Da singt jemand. Hm? Da singt jemand. Lang Sizilianisch. Finalement, ça permet de voir ce qui se passe à Paris. Alors ça transpose, parce que moi je vais vivre avec ça. C'est-à-dire je vais tout de même transporter l'Allemagne, tout ce que j'ai fait à Francfort. Dans et ton à Kassel, studio. Ici, et ici oui. C'est Paris. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, je me suis trompé. Ist das auch am Hafen? Ja. En fait, Werden da Schiffe abgeladen? C'est des petits graviers que les grues prennent des graviers dans une péniche et les transportent dans le port. Man hört ein paar Kieselsteine fallen ab und zu. Bien, finalement, c'était une idée un petit peu théorique hein, de penser que... Mon idée, c'était de pouvoir passer du port fluvial au port de presque rien en Yougoslavie, du port de pêche. Ce qui était une idée complètement théorique, parce que effectivement, là, on est allé sur le port. Moi, j'avais aucune raison autre d'aller sur un port, sinon que j'aime bien les ports. Das ist eine Erinnerung an deine Jugend auch, warum du gerne Hafen magst. Oui, hättest du keinen Grund zum Hafen zu gehen. Non, seulement je voulais faire un passage entre un port et un autre. Et finalement, c'est complètement intellectuel comme idée. Ja, das stimmt, dass das sehr intellektuell ist. Das hat gar keinen Zusammenhang, ein Hafen mit dem anderen. Was ist denn das? Rixnack? Wenn die große Kartoffel hat, dann ist gleich weg. Ist das schön? Hallo. Ja, Katz. On ne peut pas monter là. C'est possible. Ça vous ennuie pas? Si vous voulez. On attend notre copain et puis on va monter là pour avoir le son général du bateau. Ja, du meinst, das wäre ein etwas gewagter Übergang von einem Hafen zum anderen, wobei der eine Hafen, der erste, der Offenbacher Hafen ist und der zweite ist der kleine Fischerhafen in Jugoslawien aus deinem Stück Preskeria Nummer 1. Ja, aber das ist complètement théorique. Und was ist nicht theoretisch? Théorie, c'est que la réalité, ce qu'on a dans la tête, ne correspond peut-être pas à la réalité qu'on retrouve dans les oreilles. Also, du meinst, dass die Theorie das ist, was man im Kopf hat und das wiedergeben will, was man aber nicht ebenso in den Ohren haben kann. Et finalement, ce qu'on a dans la tête, ça fait du bruit, mais un bruit qui n'est pas le bruit de l'extérieur. C'est un bruit intérieur, c'est un bruit feutré. Et même si ça fait énormément de bruit, ce qu'on a dans la tête, c'est toujours quelque chose qui dérape sur la réalité. Ja, vielleicht können wir auch tatsächlich niemals die Geräusche, auch wenn sie noch so stark sind, die wir in unserem Kopf haben, die wir in unserem Sinne haben, niemals richtig übersetzen, so dass wir sie genauso wieder hören können. Et là on fait un saut et moi je fais le saut. Je fais entendre un port parce que ça s'appelle le port. Und das ist jetzt eben ein großer Sprung. Der Sprung von einem Hafen zum anderen, eben nur weil die beiden Hafen heißen. Est-ce qu'à droite, il y a la musique? Und links vielleicht die Wirklichkeit. C'est peut-être un peu systématique comme idée. Welche Idee wäre systématisch? Et quelle différence y a-t-il entre la musique et la réalité? Und was ist Wirklichkeit? Et entre zwischen Musik und Realität, was ist das? Vielleicht liegt da die Wirklichkeit zwischen beiden. Au milieu. Geben Sie mir bitte zwei Bananen. Ich bedanke mich für ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Nun. Was habt ihr da drauf gehört? So, auf Wiedersehen. Ich schnell wieder haben. Wir will ja die zwei Bananen haben. Die wollte ich essen. Sind das italienische? Französische. Französische. Welche? Die. Und schmecken die Bananen? Ausgezeichnet. Das sind Nudeln. Ja? 1,85. Danke. Und 5 Cent zurück. Dankeschön. Bitte. Sind die weiße oder braune? Weiße. Braune. C'est curieux, un marché allemand. Il est tout à fait différent du marché français. Au marché en France, on appelle les clients, on leur fait, on les prend par le désir des choses, en leur disant que c'est bon. On les appelle, on chante. Auf einem französischen Markt wird viel ausgerufen. Die Verkäufer rufen aus. Sie versuchen ihre Ware anzupreisen. Sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Käufer oder der Vorbeigehenden auf sich zu lenken, um ihre Ware zu verkaufen. Warum ist das nicht so in Deutschland? Ich weiß nicht, warum das nicht so in Deutschland ist. Dabei gibt es auch den Ausdruck Marktschreier. Ja? Ja. Habe ich nicht gehört. Nein, schreien heißt ja auch nicht singen. C'est très chanté, c'est très chanté. Plus on va au sud, yeah, plus on va au sud, en Italie, c'est encore plus chanté, c'est des vraies chansons. Ja, in Italien wird das noch mehr gesungen. Je tiefer man in den Film kommt. Ich glaube, du weißt nicht, warum. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht sind die Deutschen zu gut erzogen. Qu'est-ce que c'est erzogen? Éduqué. Pour chanter. Mama, guck mal. Pourtant, en Allemagne, il y a une tradition du chant. Ja, es wird sehr viel gesungen. Man singt sehr viel in Deutschland. Ja. Je vais te faire entendre le marché de Rouen que j'ai envie de faire. C'est tout à fait différent. Ah, das möchte ich gerne hören. Demandez, messieurs, d'aller votre chance sur un geste ce soir. Ça, c'est un gagnant, qu'est-ce qu'il l'emmène? Bon, loin de cuir, il est super. Je rembourse, voilà. Achetez-moi des choux-fleurs, avec de la crème et du beurre. Oui, vous dire, petit chevet. Allez, voyez, mesdames, du bon coin. Voilà, voyez, du bon coin, du bon coin, du bon coin, mesdames, voyez, sans vous sortir. Alors après, on est allé chercher nos amis à la gare. Ils arrivaient de Narbonne. Also die Freunde kommen aus Narbonne am Bahnhof an. Et c'est... Und wir haben sie dort abgeholt. Et donc c'est eux qui doivent jouer dans ce concert, qui devaient jouer dans le concert à Francfort à la radio et à Kassel. Das sind also die Musiker, die hinterher spielen sollten, ebenso gut am Frankfurter Funk wie dann auch im Konzert in Kassel.